Yo mon gros, bien quoi? Moi je te dérange pas longtemps, mais j'ai un collègue de taf là qui m'a parlé de toi, il m'a donné ton numéro, il m'a dit que tu faisais du son et que t'étais dans le secteur, donc je me permets de te contacter si t'es chaud. Yo Calif, ça va quoi ma gueule? Carrément, ça doit être Momo qui t'a parlé de moi, ça fait plaisir. Deux seigneurs qui se rencontrent. Bah vas-y, moi je suis grave chaud pour faire du son, hein. Ça paraît comme une évidence ma gueule. C'est parti. C'est parti.